rime avec rime tropico. Habillé par la douceur de vivre. Que l'aïe reste ignoré d'un monde qui compte et pleure ses morts tout chaud sous un vacarme de bombes et de cuivre. S'en fait pas, homme animal ou pas, son chaque jour lui suffit, fait d'instants de bonheur et de temps de pleurs. Sous son ciel que tout soir il brime, la terre tourne à la même cadence qu'ici elle semble emportée par l'élan d'un monde matériel trop rapide. Que là son pas freine par malchance pour un peuple dépouillé et migrant fuyant à tout prix un génocide. Lui ne s'en fait pas, homme animal ou pas, son chaque jour lui suffit, fait d'instants de bonheur et de temps de pleurs, sous son ciel que tout soir il brille. S'en fait pas, homme animal ou pas, son chaque jour lui suffit, fait d'instants de bonheur et de temps de pleurs, sous son ciel que tout soir il brille. Gracieux don, qui s'il permet au rêve d'exister, pour savoir mieux garder ses repères. Que l'aïe triomphe par le pardon, et la paix qui n'aurait su résister, à des êtres toujours avides de guerre. S'en fait pas, homme animal ou pas, son chaque jour lui suffit, fait d'instants de bonheur et de temps de pleurs, sous son ciel que tout soir il brille. S'en fait pas, homme animal ou pas, son chaque jour lui suffit, fait d'instants de bonheur et de temps de pleurs, sous son ciel que tout soir il